toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de JT Sport. Chaque semaine, notre émission s'intéresse à l'actualité des sportifs toulousains, du rugby avec le Stade Toulousain, du hand avec le Phoenix, et on fera régulièrement un retour sur l'actualité sportive locale. Ça sera en fin d'émission. Avec moi aujourd'hui pour animer ce quatrième numéro, Janciane Goubet. Bonjour Janciane. Et bonjour Marion, bonjour à tous. Pour nous accompagner dans nos débats, nous aurons aujourd'hui avec nous les intervenants suivants. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous. Alors, on a Florent Larios et Victor Coudreau qui ont assisté au match du Stade Toulousain ce week-end. Ils nous parleront rugby. Au handball, on retrouvera Adrien Marchand et Hugo Lozzi. Et Gauthier Delomès dressera un bilan de l'actualité sportive de la semaine. Et enfin, Corentin Debure nous parlera natation. En effet, c'est aujourd'hui que débutent les championnats d'Europe en petit bassin à Glasgow. Et il y a un Toulousain à suivre dans l'équipe de France. Et on commence tout de suite avec le rugby. C'est l'heure de notre rubrique Caramel et Chistera. Donc on se tait et on reste concentré sur ce Retour sur l'affiche du week-end à Toulouse. Après une quinzaine européenne réussie avec deux victoires, le Stade toulousain retrouvait cette fois le top 14 dimanche contre l'Aviron bayonnais à Ernest Vallon. Un succès large et sans contestation possible face au promu basque, 45-10. 6 essais inscrits par du jeu de passe ou en force. Les stadistes ont performé dans tous les secteurs et ont montré leur supériorité. Ils ont quand même été aussi aidés par deux cartons rouges infligés aux champions de Pro D2. Alors Victor, Florent, vous étiez au stade convaincu par cette victoire des Rouges et Noirs ? Eh bien oui et non Marion, plutôt, puisqu'on a vu quand même un stade qui était assez séduisant, qui cherchait à envoyer du jeu, notamment depuis les 22 mètres où il y a eu énormément de passes, ça cherchait du jeu de trois quarts comme ils ont l'habitude de faire. Mais par contre on a eu beaucoup de petites erreurs, beaucoup d'en avant, et c'est justement ce qui a coûté un peu cher aux Toulousains. Le score aurait pu être plus lourd, mais on va dire que contre un adversaire, quand on mène... déjà largement à la mi-temps, je ne sais plus combien il y avait exactement, mais il menait bien de 15 points. Et quand un adversaire est réduit à 13, normalement, ça doit faire sanction immédiate. Oui, la vraie satisfaction de ce match, c'est le fait qu'il y avait quand même beaucoup de turnover sur ce match. Et du coup, les nouveaux, Lebel, Placine, qui jouent beaucoup moins, ont été auteurs de matchs convaincants. Donc ça, c'est vraiment une satisfaction. Après, c'est vrai qu'ils ont été fautifs trop souvent. Je crois qu'ils ont fait 11 fautes dans le match. Donc ça, c'est peut-être le petit point négatif. Ouais, au début du match notamment, ça a eu un peu de mal à se mettre en route. Pas mal de pertes de balles au début du match. Non. Tout à fait. Après, on va dire peut-être que le temps, il faisait pas forcément très très très beau. Il y avait un peu d'humidité, ce qui fait que ça aide pas non plus au niveau du jeu. Maintenant, on sait la qualité du stade, on sait la qualité de ses joueurs, que ce soit les numéros 2, les numéros 3. C'est quand même de la grosse qualité. C'est des joueurs qui pourraient jouer dans n'importe quel club du top 14 sans aucun problème. Et au cours de ce match, il y a un joueur qui s'est fait remarquer, Pierre Pagès, par sa prestation notamment, mais aussi pour une action. Un essai tout cuit finalement raté, la faute à un retour salvateur du basque Maïletoa Ingano. En plaquant le demi-mêlé toulousain, déjà en train de sauter à plat ventre dans l'embute, le Bayonnais a brisé l'élan de joie d'Ernest Vallon. On l'écoute, Pierre Pagès, revenir sur cette action. On avait une occasion pour nous, on prend un contre, du coup on revient bien quand même, on fait l'effort de recontre-attaquer et on a bien joué le coup, c'était plaisant à voir et au final, en avant de moi. Du coup, je peux plus rien faire, elle est partie la balle. Bon, on le sent, il est quand même déçu de ne pas avoir inscrit cet essai. Oui, non, c'est une action de 90 mètres, je la trouve magnifique, hein, ça a démarré. Ramos récupère le ballon, il fait la passe à Tolofoa, Mikel, Aki, Placine. Et bon, Pagès, c'est surtout un bon retour d'Ingano, je trouve. Voilà, c'est la rugby qu'on aime à Toulouse, le beau jeu. La conclusion n'est pas là, bon, après, c'est sans conséquence sur le résultat final. Donc, moi, ce que j'ai aimé, voilà, c'est l'action, c'est les 90 mètres. Bon, voilà, c'est Ernest Vallon a vibré sur cette action-là. Il faut quand même souligner que Pagès, il n'a pas du tout une saison facile. Bien sûr. Il ne joue pas beaucoup. C'est le numéro 3. Malgré la qualité qu'il a, c'est que le numéro 3 en poste de numéro 9. Le plus longtemps qu'il avait joué, je crois que c'était à Bordeaux. Il avait joué à peine un peu plus d'une mi-temps. Donc déjà, pour lui, jouer 80 minutes, ça ne l'était pas arrivé cette saison. Ça datait de la saison dernière, je ne sais plus dire quand, tellement ça fait longtemps. Parce que quand on a Bézi et Dupont, un ovni devant, c'est un peu compliqué de s'imposer. Mais il a vraiment été séduisant dans son jeu, il a beaucoup dynamisé, il a cherché aussi sur l'essai de Guitoun notamment. C'est lui qui fait la différence en faisant juste simplement un pas de côté à la sortie de la mêlée. Il a fait monter toute la défense bayonnaise qui a offert les espaces à Guitoun. Et pour un retour vraiment sur le devant de la scène, Pagès a été très très impressionnant. Ouais, mais c'est vrai que c'est un joueur qui vient de Fédéral Une, hein, si je ne me trompe pas, au départ. Et donc, il y avait donc, l'aviron en face, hein, qui attire tous les fans de rugby. Mais ce que les clubs rouges et noirs et les supporters attendaient, c'était Yannick Bru, l'ancien talonneur du stade, aujourd'hui entraîneur des Basques. Ça m'a fait plaisir de voir tout le monde plein de visages que j'apprécie, de voir que la maison est toujours aussi bien tenue, que la performance est là, que le public est là, quand la machine se met en marche, il y a de l'efficacité, il y a du spectacle aussi. Vous, justement, ce retour, vous en avez pensé quoi, les garçons ? C'était assez surprenant déjà de voir Yannick Bru à Ernest Vallon, mais dans un autre maillot. Il a joué plus de 10 ans sous le maillot du stade et il a été entraîneur également. Il a eu plein de succès, champion d'Europe, champion de France. Donc le voir déjà sur un banc adverse, c'est assez particulier. Ça avait une saveur particulière, comme lui, il en parlait même avant la semaine où il appréhendait pas forcément cette venue, mais il disait quand même ça va me faire bizarre d'être dans le vestiaire visiteur. Donc c'est pour ça, c'est assez sympathique de le revoir là. Maintenant, il a pas vraiment eu une rencontre très très facile. Ouais, non, c'est un match plus que difficile, hein. Ils ont perdu plus qu'un match en fait, hein, parce que deux cartons rouges déjà, ils ont trois blessés, Antoine battu au biceps, c'est absent 4 mois, Boniface à la cheville, Ducas après une commotion. Enfin, c'est la troisième défaite consécutive des Ciels et Blancs. Donc, ils ont perdu plus qu'un match ce dimanche et ça va être difficile de sortir un peu la tête de l'eau là pour les Bayonnais. Ouais, en zone mixte, vous avez vu les Bayonnais justement qui étaient assez abattus, non ? Ouais. Oui, bah déjà, Antoine Battu, il est arrivé avec le bras en écharpe, très très abattu. Jean Moribond, qui est lui aussi arrivé. Ils étaient un peu presque sonnés par l'impact physique qu'il y a eu dans ce match, parce que ça a énormément cogné, mine de rien. On s'en est pas forcément rendu compte, mais et puis jouer à 13 contre 15, ça consomme énormément d'énergie. Et ils y ont laissé des plumes, et je pense que ces deux semaines de trêve de top 14 où on va passer sur la Coupe d'Europe, Bayonne joue pas l'Europe, donc ils vont faire tourner et ça va leur faire le plus grand bien. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément un réservoir aussi étoffé que Toulouse, et ça va être difficile, hein. Il y a deux cartons rouges, trois blessés, 5 joueurs en moins sur le prochain match. Ouais, et surtout que le premier carton rouge, il arrive assez tôt dans le match, en première mi-temps. Hein. Ouais, c'est dès la 30e minute. Après, les cartons rouges, il n'y a strictement rien à dire. Et non. Les deux joueurs, d'ailleurs, vont passer bientôt en commission, mais pour des gestes comme ça... On avait vu Paul Gabriag prendre 6 semaines de suspension. Pour des gestes comme ça risque de taper dans les 6 à 10 semaines et ça va être préjudiciable pour le club. Ouais, saison compliquée pour l'aviron bayonnais. Bon, dans tous les cas, grâce à sa victoire, Toulouse remonte sur le podium du top 14 à égalité avec Toulon, Clermont et Montpellier. Prochain adversaire ce week-end, cette fois en Champions Cup. Une rencontre qui s'annonce rude et capitale pour Laurent Antuéri, l'entraîneur de la défense du stade. Ce jeu de puissance autour et ce jeu de molle portée, c'est sûr que Montpellier, ils sont redoutables, donc c'est sûr qu'il va falloir vite récupérer, on a un jour de repos en moins par rapport à eux, et se préparer à un gros combat parce que Montpellier va jouer pleinement sa chance, et donc c'est sûr que c'est un tournant de notre campagne européenne dimanche à Ernest Vallon. Alors les deux équipes se sont déjà affrontées en début de saison, c'était lors de la 8e journée top 14 et Montpellier l'avait emporté 33-22. À quoi on peut s'attendre ce week-end ? Bon, ça va être un match forcément difficile. Ce week-end, Montpellier a affiché 33-8 à Lyon, leader du championnat, meilleure attaque du championnat qui met que 8 points sur ce match-là. Donc on peut s'attendre à un match compliqué, mais à la maison, Toulouse avec ses internationaux qui seront de retour, ils seront reposés parce que certains n'ont pas joué dimanche. Moi je pense que je me fais pas trop souci, je pense que Toulouse va l'emporter, même si ça va pas être facile. Laurent Thury l'a dit, ça va être un jeu énormément d'opposition, ça va être beaucoup de contacts. Montpellier contre Lyon ce week-end justement a énormément basé, à retrouver en fait. On a retrouvé le Montpellier d'il y a 2-3 ans où c'était énormément d'affrontements physiques type sud-africain. C'est pour ça qu'ils recrutent justement une des colonies sud-africaines. Mais ça va être très très compliqué. Après Bayonne, ça a quand même été un bon entraînement puisque ça a été un match assez physique. Maintenant, l'avantage pour Toulouse, c'est qu'on passe en Coupe d'Europe. Et qui dit Coupe d'Europe dit forcément arbitrage différent du top 14. Il y a plus de jeux, beaucoup plus de temps effectif. Et ça, ça correspond beaucoup plus aux qualités toulousaines qu'aux qualités montpelliéraines. Oui, et puis il y a des joueurs qui avaient été laissés au repos un peu ce week-end. Ntamack notamment, qui n'était pas aligné, donc qui devrait sûrement faire son retour ce week-end. Exactement, il y avait 10 joueurs qui avaient changé par rapport à la semaine d'avant sur dimanche-là. Donc... Ça, il va y avoir de nombreux retours. Sans parler de Chasine Colby qui pourrait éventuellement revenir. Ouais, de retour à l'entraînement, il y a Antoine Dupont aussi qui devrait peut-être jouer avant la fin de l'année, on ne sait pas. Selon l'encadrement, du moins d'après les informations qui sortent, ce serait plutôt vers les journées du Boxing Day, donc à partir du 21 décembre à Agen ou 28 décembre à domicile contre Toulon. Bon, encore une bonne nouvelle pour le stade. Ouais. Et puis concernant les autres clubs de la région, ça jouait aussi en Pro D2 vendredi. Montauban rattrapait son match en retard de la 5e journée. Les Montalbanais ont signé un joli coup en allant s'imposer à Aurillac, 18-16. Un succès qui leur permet de prendre de l'air et remonter à la 12e place du classement. Vendredi à 20h, Colomiers et Montauban se déplaceront respectivement à 9h et Béziers. Quant à l'US Carcassonne, elle recevra Aurillac. Et donc, on le rappelle, le prochain match du stade, c'est ce dimanche face à Montpellier en Champions Cup. Coup d'envoi à 16h15. Ouais, merci Florent, merci Victor. On passe maintenant au handball avec Adrien et Hugo qui nous ont rejoints sur le plateau et c'est l'heure de notre rubrique Pastis et Roucoulette. On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça, mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi. Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal. Alors, un Phoenix reçu 5 sur 5. Comme chaque semaine, les Toulousains n'en finissent pas de nous étonner. Une 5e victoire consécutive obtenue sur le parquet de Créteil et le Phoenix se met à rêver de terminer la première partie de saison sur le podium. Même s'il partait largement favori sur le papier, les Toulousains ont dû s'employer. Accroché à la mi-temps sur le score de 15-12, le Phoenix s'envole en début de seconde période avant de se faire rejoindre à moins de 5 minutes de la fin. Malgré ce coup de pression des Franciliens, la bande à gardant gère bien le money time et assomme définitivement Créteil, score final 29-23. Une preuve supplémentaire que le Phoenix, même brouillon, a su trouver les ressources pour arracher un succès capital, le 7e en 11 journées cette saison. Effectivement, Gentiane, ils ont commencé par un match très solide, surtout sur les transmissions. C'était très rapide entre les arrières et le centre. La défense de Créteil avait du mal à couvrir les ailiers. Et soudain, en deuxième mi-temps, ils ont été moins précis et se sont fait remonter petit à petit. Il y a eu surtout un Dylan Soyez, gardien de Créteil, très solide. Et je pense que ça s'est vu au niveau des stats, hein, Hugo. Ouais, tout à fait. On a vu que Dylan Soyez a un peu maintenu Créteil, on va dire, hors de l'eau. Et c'est ce qui a permis aux Cristoliens de revenir en milieu de seconde mi-temps. Enfin, il a fait 12 arrêts. Donc, ça a été vraiment un élément déterminant. On s'attendait à une équipe de Créteil accrocheuse et ça a été le cas. On a vu aussi Moquet, l'ailier gauche de Créteil, qui a mis 11 buts donc, sur cette rencontre. Et du côté du Phoenix, ça a été sur courant alternatif, notamment au niveau des tirs. On a vu que Solé Salah a marqué 8 buts. Letten, ça fait une grosse partie dans les cages avec 48% d'arrêt. Heureusement, parce qu'on s'est dit qu'à l'entrée du Money Time, ça allait peut-être tourner du côté de Créteil. Et finalement, c'est l'expérience un petit peu des cadres, on va dire, Steins, Gilbert, qui a fait la différence aussi et qui a permis à cette équipe de Toulouse de finalement conserver son invincibilité qui maintenant date du 25 septembre. Donc c'est quand même énorme. Et surtout l'expérience de Gardon qui a pris un temps mort décisif où il est allé voir ses joueurs, il leur a dit tout simplement de remettre de la concentration, de l'intensité, de la confiance. On voit ils l'ont remise notamment au niveau de la défense, ils ont eu pas mal de 2 minutes, notamment Steins, c'est un manque à une 2 minutes qui a posé question quand même à Gardon de savoir s'il sortait son gardien ou pas pour pouvoir relancer son équipe et finalement ils ont réussi à s'imposer avec 5 buts d'avance. Ouais, c'est tout à fait ça, Adri, parce que dans le final, on a vu que voilà, il y avait vraiment de la tension, et c'est vraiment sur ces joueurs d'expérience que Gardon s'est appuyé pour réussir finalement à l'emporter 29-23, alors qu'à 5 minutes de la fin, il y avait égalité. Donc c'est quand même une belle preuve, on va dire, de progression de la part du Phoenix face à des équipes où ils sont largement favoris au départ, quoi. Ouais, c'est vrai que ça confirme donc leur bonne performance depuis le début de la saison. Et justement, pour Gaël Trébillon, jeune ailier gauche issu du centre de formation et champion du monde U21 cet été avec l'équipe de France, le Phoenix n'est pas une surprise cette année, loin de là. On l'écoute à notre micro après le traditionnel entraînement du lundi soir. Dans les 3 matchs, il va y avoir quand même 2 matchs extrêmement importants. C'est la Coupe de la Ligue et le championnat contre Montpellier. Et ensuite, ça va être la gestion de la fatigue qui est vachement compliquée durant cette période de décembre. On est sur la fin de l'année civile. On a eu 4 mois complets avec seulement une semaine de trêve internationale. Les organismes sont déjà un petit peu fatigués. On n'a pas la chance d'avoir un groupe de 18-19 joueurs. Ou alors, c'est vrai qu'on joue souvent avec les mêmes personnes. Donc, on tire souvent aussi sur les mêmes joueurs. Donc, du coup, physiquement, c'est compliqué de tenir le coup. Du coup, cette fraîcheur physique et mentale qu'ils n'ont pas forcément, est-ce que c'est, enfin, ça peut être un moins à court terme, pensez ? Pour l'instant, ça va être un élément capital, on va dire, cet enchaînement de matchs, parce qu'il y a 3 matchs, il y a Coupe de la Ligue, donc dès ce soir, Il y a Coupe de France dimanche et le gros choc de Lidl Star League mercredi prochain. Donc on va voir si le Phoenix est capable de jouer sur tous les tableaux. Si on se place sur les années précédentes, on voit que par exemple des équipes comme Chambéry et Aix, l'an dernier, ont quasiment tout joué. C'est-à-dire que Chambéry a même gagné la Coupe de France et cette année, résultat, on voit où ils sont au classement, c'est-à-dire en bas du classement. C'est pas forcément des effectifs qui ont une largeur de banc incroyable comme peuvent l'avoir le PSG ou Montpellier. Donc ça va être important de bien gérer les matchs les uns après les autres, de faire des rotations d'effectifs. Notamment, on parle de Gaël Tribillon. Il se trouve qu'il n'a pas beaucoup joué. C'est un espoir de l'équipe de France. Donc je pense qu'il va avoir du temps de jeu sur ces deux matchs pour essayer de faire la transition avec le championnat notamment. Puis pour parler au niveau de la confiance, on le voit très bien sur le terrain. Notamment, j'étais au bord du terrain pour Toulouse-Ivry pour prendre des photos, et on voit qu'ils ne parlent pas du tout, mais ils se regardent. Et juste en se regardant, ils se comprennent, ils n'ont pas besoin d'échanger un mot. Et c'est vrai qu'en face, Ivry n'arrêtait pas de chambrer les joueurs du Phoenix, et les joueurs du Phoenix ne répondaient pas du tout et étaient vraiment dans leur match. Et je pense que c'est là-dessus que, vraiment, sur le fait d'avoir un groupe et pas une individualité pardon, qui est plus forte ou qui est nécessaire pour que le groupe avance, qui va faire peut-être la différence sur l'enchaînement des matchs. Puis tout simplement, il va falloir faire des choix parce que donc voilà, il y a trois compétitions à la fois. Pour l'instant, ils sont sur tous les tableaux et on sait que notamment la difficulté, c'est pas forcément la fin de première partie de saison, parce que là, ils reçoivent Montpellier, ils vont à Chartres, notamment au niveau du championnat, mais c'est surtout la reprise au mois de janvier et février qui va être, dès février, qui va être importante. Et si le Phoenix crée l'exploit, on va dire à Nîmes ce soir, ça veut dire un Final Four au mois de mars au Mans, le 14 et 15 mars, et c'est notamment à cette période-là que le championnat se joue. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, on espère que le Phoenix aura les joueurs nécessaires, on va dire, et la capacité à enchaîner les matchs sur le court terme et le moyen terme. Ouais, tu l'as dit Hugo, ils sont un peu sur tous les tableaux le Phoenix en ce moment, et on peut dire que c'est une semaine particulière donc pour nos Toulousains au top de leur confiance, puisque dès ce soir, dans l'ambiance bouillante du Parnasse à Nîmes, le Phoenix va jouer une place pour le Final Four dont tu parlais, donc le Final Four de Coupe de la Ligue, avant d'enchaîner samedi à Cherbourg en 16e de Coupe de France, et dans le viseur toujours, le choc de mercredi prochain à domicile face aux voisins montpelliérains. Oui, c'est ça. En fait, voilà, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'enchaînements, donc il va falloir que le Phoenix se règle. Et donc, ça commence dès ce soir avec une grosse affiche face à l'USAM. Donc, l'USAM, c'est un peu le même style de jeu que le Phoenix, c'est-à-dire montée de balle rapide, défense agressive. Et donc, ça va permettre vraiment de se projeter pour le match, notamment de Montpellier, mercredi prochain. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un plan anti-Steins? Je pense que Gaël Tribillon va nous en reparler juste après. On va lancer le son justement. Et voilà, ça va permettre à toute l'équipe de se réévaluer un petit peu avant le choc de mercredi prochain. C'est une équipe qui nous ressemble sur le rythme et sur la défense. Voilà, c'est une défense, comme tu l'as dit, agressive, très agressive, et qui va très vite en projection vers l'avant. Nous, pareil, avec on a un jeu avec nos ailiers et notre demi-centre qui est très rapide, voilà, on marche avec ça. Et depuis le début de l'année, je pense qu'on marche sur l'eau avec, parce qu'il y a cette force qui marche. Après, voilà, on peut se faire contrecarrer nos plans, il peut y avoir des adaptations en face qui font qu'on ne jouera peut-être pas aussi rapidement, mais sur le papier, c'est une équipe qui nous ressemble. Donc est-ce que ça sera un match accroché, ou est-ce qu'une équipe prendra le large, ou je sais pas. Ils ont une très très belle équipe, voilà. On sait que Elo, en ce moment, il est complètement sur un nuage. Il sort de stage avec l'équipe de France. Il marque 6, 7, 8 buts par match à 21 ans en D1. Ils ont la fougue avec lui. Ils ont l'expérience avec Guigou, avec Gallego, Robichon, Desbonnet qui est là depuis longtemps. Ils ont aussi derrière le banc avec les pivots Nieto, Salou, Agvillo. Enfin bon, ils ont... Puis après, des ailiers très très bons, Guigou et Sanad. C'est une équipe très très complète à tous les niveaux et dans tous les secteurs de jeu. Après, je ne nous vois pas inférieurs à eux et je pense que c'est pour ça qu'on a égalité au classement aujourd'hui. Voilà, donc en fait, Gaël Tribillon a voulu vraiment insister sur la capacité de Nîmes aussi à se sublimer dans ces ambiances-là. On va dire que Nîmes, c'est vraiment une grande équipe de ce championnat cette année, en tout cas, parce qu'on sait que leur homme fort, c'est Elohim Prandi, qui est vraiment capable de décocher des grosses frappes, notamment au-delà des 9 mètres. Donc c'est vraiment le facteur X de cette équipe. Donc il va certainement jouer tout le match ce soir. Il va vraisemblablement falloir le contrer. Il y a une profondeur de banc avec des gars comme Guigou, Sanad, Robichon, Gallego. Donc c'est vraiment des éléments forts. Et donc ça va être vraiment un test pour l'équipe de Toulouse ce soir, avec des gars comme Ferran Solé-Sala, Pierre Richel, qui vont devoir être impitoyables, notamment sur les ailes. Puis justement, comme tu disais, il y a le match après contre Cherbourg où il va faire tourner l'effectif, ça c'est certain, puisque c'est une deuxième division. Et après, le choc de la semaine prochaine contre Montpellier qui est essentiel, puisqu'il y a trois équipes en deuxième place. Quatre équipes en deuxième place. Et c'est le match qu'on, si le Phoenix gagne, passe dans une autre dimension et va dans une autre partie, joue une autre partie de tableau pour la deuxième partie de saison. En tout cas, jusqu'à la trêve, voilà. Ouais, ok, bah merci les gars. Et comme d'habitude, maintenant, on termine ce pastis et roucoulette par l'annonce des matchs de la semaine, et notamment ceux de Coupe de la Ligue. Bah, comme on l'a dit, donc, ce soir, ça commencera très fort avec Nîmes-Toulouse. Il y a aussi de l'autre côté Istres-Chambéry, Dunkerque-Nantes, et enfin le gros choc de demain qui permettra donc finalement de voir l'adversaire le plus gros pour le Phoenix si jamais il se qualifie, c'est-à-dire le choc entre Paris et le MHP. Voilà. Ok, et bah alors on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour évoquer un derby d'Occitanie Toulouse-Montpellier au Palais des Sports, un match qui promet d'être bouillant. Hugo, Adrien, c'était pour parler handball, merci les gars. On passe maintenant au Flash Sport avec Gauthier. On commence avec du handball féminin et les Françaises qui se relancent dans le mondial après avoir battu les Allemandes ce matin. Oui, ça se passe au Japon, Jean-Cyan. Les Bleus, ES, championnes du monde en titre, ont dominé l'Allemagne 27 à 25 après un match haletant. Une grosse victoire qui permet au groupe d'Olivier Crumbles d'espérer toujours sortir du groupe B après un début de mondial compliqué. Les Françaises avaient perdu contre la Corée du Sud avant de concéder le nul face au Brésil. Grâce à leur large victoire hier contre l'Australie et celle d'aujourd'hui face à l'Allemagne, les Bleus gardent leur chance de se qualifier pour le tour principal. Pour cela, il faudra confirmer face au Danemark vendredi, une rencontre qui s'annonce à nouveau difficile pour les tricolores. Ouais, alors revenons maintenant à Toulouse. En volée, les Spacers ont subi une lourde défaite ce vendredi sur le parquet de Nice, 3-7 à 0. Oui, le jour du Black Friday, un vendredi vraiment noir pour les hommes de Stéphane Sapina qui se sont effectivement inclinés 3-7 à 0 à Nice, pourtant avant-dernier du championnat de Ligue A. Les Spacers, actuels 7e avec 15 points, vont chercher à se ressaisir à domicile ce vendredi contre Chaumont, 5e du championnat et qui compte un tout petit point de plus que les Toulousains. Une rencontre que l'on débriefera d'ailleurs ici lors du prochain numéro de JT Sport. Et rendez-vous la semaine prochaine alors. Et un mot de cyclisme maintenant, alors que le Ballon d'Or a été attribué à Lionel Messi, le Vélo d'Or a lui été décerné au Français Julien Alaphilippe. Oui, le coureur français qui nous a fait rêver pendant le Tour de France, portant le maillot jaune pendant 14 jours, a reçu lundi le Vélo d'Or 2019, décerné par Vélo Magazine. C'est une distinction internationale comme le Ballon d'Or. Julien Alaphilippe est le premier Français à le recevoir depuis Laurent Jalabert en 1995. Alors le cycliste tricolore a annoncé à cette occasion qu'il allait courir le Tour des Flandres en mars 2020. Il a toutes les chances de remporter cette classique, en tout cas il ne fera pas de figuration comme à son habitude. Rappelons que le dernier Français à avoir remporté cette classique n'est autre que Jackie Durand en 1992, il y a 27 ans. Merci beaucoup Gauthier. Et avant de clôturer ce nouveau numéro de JT Sport, on va parler natation. Aujourd'hui c'est le début de l'édition 2019 des championnats d'Europe en petit bassin Corentin. Effectivement, ça se passera à Glasgow jusqu'à dimanche et il y aura un petit événement au sein de la nage française avec le retour en compétition de Florent Manaudou. L'ancien champion olympique déjà qualifié pour Tokyo participera à ses deuxièmes championnats d'Europe sur petit bassin, 30 mois après avoir pris sa retraite pour se mettre au handball. Aligné à partir de vendredi sur 50 mètres nage libre, papillon et dos, il annonce être capable de nager encore plus vite qu'avant. À lui de le démontrer en décrochant pourquoi pas une médaille d'or, une bonne manière de signer un retour tonitruant. Ouais, donc Florent Manaudou à suivre, mais ici tous les regards seront tournés vers un jeune Toulousain. Et oui, ces championnats signent également les grands débuts de Léon Marchand en équipe de France A. Une première occasion de se montrer aux yeux du public pour le jeune phénomène des dauphins du TOEC, pensionnaire de la piscine Nakache. À 17 ans, son potentiel a déjà ébloui tous les observateurs, avec une médaille de bronze en 400 mètres 4 nage fin août, face à des athlètes âgés d'un an de plus. Une course lors de laquelle il a battu le record de France, un exploit inédit pour son âge. 2019 a été une année extrêmement faste pour Léon, qui a également remporté une médaille de bronze en Euro Junior et un titre de champion de France sur 200 mètres papillon. Il tentera de la terminer en apothéose en décrochant une finale sur une des 4 disciplines dans lesquelles il est aligné, les 100, 200 et 400 mètres 4 nages ainsi que le 200 mètres papillon. De quoi rendre fier son papa Xavier, ancien vice-champion du monde lui aussi sur 4 nages. Merci Corentin, et c'est ainsi que se termine ce 3e numéro de JT Sport. Merci à toi Jean-Cyan de m'avoir accompagné à la présentation. Merci à Lise et Capucine à la technique. Sachez que vous pouvez nous retrouver et nous réécouter sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur la page Twitter JT Sport. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.